France Inter. Affaires sensibles. Fabrice Drouel. Notre invitée aujourd'hui, Margot Collet, bonjour. Bonjour. Vous êtes consultante et formatrice sur l'égalité homme-femme. Vous avez écrit « Beyoncé est-elle féministe ?» C'était en 2018 chez First. Puis « Le féminisme pour les nuls », alors N-U-L, point, plus loin, L-E-S, toujours c'est First, en 2019. Et vous êtes l'autrice principale d'un rapport publié par le centre Hubertine-Auclert en 2020, intitulé, lui, « Les politiques publiques de lutte contre les violences conjugales en Espagne ». Regard croisé avec la France. On va donc faire des comparaisons, c'est intéressant. Je voudrais d'abord vous faire réagir à quelques chiffres. En 2022, il y a eu 48 féminicides en Espagne, 146 en France, selon les associations. Si on rapporte à la population ce chiffre, cela fait deux fois moins de féminicides en Espagne qu'en France. La question est évidente, mais pourquoi ? En plus, ce sont quand même deux pays de l'Europe occidentale, des pays issus de la même civilisation qui se ressemblent. Pourquoi cette différence ? La différence, elle est importante aujourd'hui et elle est le résultat d'une mobilisation en Espagne. Les chiffres n'ont pas toujours été aussi bas en Espagne et c'est pour ça que c'est intéressant de regarder qu'est-ce qui a fait que l'Espagne a réussi en 20 ans à diminuer les féminicides, on parle au sein du couple, d'un quart en 20 ans. Moi, je considérerais qu'il y a trois éléments d'explication, mais le plus important et dont découlent les deux autres, c'est qu'en Espagne, la question des féminicides, elle est perçue comme un enjeu politique, une responsabilité d'État. C'est-à-dire que c'est pas un fait divers, on parle pas de violence au sein du couple qui concernerait un jour les femmes, un jour les hommes. D'ailleurs, dans la loi, c'est écrit très clairement en Espagne, les violences de genre, comme on les appelle en Espagne, ne sont pas des faits divers, ne sont pas une affaire privée. Donc ça veut dire que... Pardon, la loi qui a été votée en 2004. Voilà. Et cette loi, évidemment, il n'y a pas que la loi, il y a des dispositifs, il y a des droits, il y a des lois qui ont été mis en place en Espagne. Et le dernier élément, c'est qu'au-delà des droits, des lois et des discours, il y a eu des moyens financiers conséquents qui ont notamment été fortement augmentés depuis 5 ans et qui permettent très concrètement de prendre des mesures pour éloigner les auteurs, protéger les victimes, permettre le droit à des hébergements spécialisés, à une assistance juridique spécialisée. Et ça, c'est très concret et ça marche en Espagne. Et c'est une question d'éducation aussi qui pourrait passer par le champ lexical. Aujourd'hui, on ne dit plus crime passionnel, bien sûr, on dit féminicide et ça a du sens. Ça passe aussi par là, par l'éducation. Oui, quand on parle d'un crime passionnel, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est généré par la passion, par l'amour. Ce serait pas tout à fait un crime comme un autre. Ça montre que ce serait aussi un petit peu moins grave un crime passionnel qu'un assassinat ou un homicide classique. Je dirais pas qu'on le dit plus du tout, mais en tout cas, on a beaucoup évolué. Je pense en particulier dans le traitement médiatique. Depuis peu en France et depuis plusieurs décennies en Espagne. D'ailleurs, la preuve et témoignage de première main, Affaires Sensibles, avait raconté l'histoire de Marie Trintignant et Bertrand Cantat. Je crois que se glissait il y a 8 ans dans le texte quelques crimes passionnels. Et lors de la rediffusion, il y a eu beaucoup de réactions des féministes, mais à juste titre, en disant « mais non, on ne dit plus ça ». Ça veut bien dire qu'en 8 ans, il y a eu une évolution dans les mentalités. C'est plutôt bon signe. Oui, on le voit dans les médias globalement. Il y a eu un très important effort fourni, je pense en particulier à Mediapart, Libération, Le Monde, mais encore très récemment, Sud-Ouest, Ouest-France, qui ont consacré des éditions entières sur la question des féminicides, rétrospective 2022, et avec un traitement médiatique qui montre aussi l'importance sociale de ce sujet et non plus des faits divers un peu morbides avec des détails parfois scabreux et pas forcément intéressants avec le sujet. Et vous pouvez ajouter Affaires Sensibles dans cette liste. Et Affaires Sensibles, évidemment. Voilà, on a traité beaucoup d'affaires par ce volet, justement, ce point de vue. On en a parlé dans le récit, l'Espagne s'est dotée en 2004 d'une loi, effectivement, qui a beaucoup changé les choses. On parle de loi intégrale, ça veut dire quoi une loi intégrale ? Une loi intégrale, c'est-à-dire on pourrait parler là, de en l'occurrence, là. Loi cadre, loi transversale, c'est un peu ça l'idée, c'est qu'elle va s'attaquer, s'intéresser à la fois au champ judiciaire, à l'assistance sociale, psychologique, à tous les droits en fait dont a besoin une victime quand elle vit des violences. Et du coup, c'est une loi qui va, voilà, qui met un peu tout dans le même sac, qui montre aussi la coordination nécessaire sur tous ces aspects. Et qui est aujourd'hui considérée à peu près unanimement comme une des lois les plus avancées aujourd'hui dans le monde sur la question des violences conjugales. Donc avec un volet social, un volet protection, un volet judiciaire, et dans le rapport que vous avez coécrit il y a 2 ans, il est indiqué précisément que le nombre de condamnations prononcées en Espagne pour violences conjugales est 2 fois plus élevé qu'en France. C'est l'effet de tribunaux spécialisés, avec des magistrats spécialisés. Ah, effectivement, le taux de condamnation en Espagne est plus important qu'en France. On estime qu'une plainte sur 4 en Espagne aboutit à une condamnation, et avec un taux de condamnation très très fort dans les tribunaux spécialisés. Donc ces tribunaux spécialisés, ils découlent de cette loi de 2004 dont on vient de parler. C'est quoi le principe ? C'est qu'ils siègent des magistrats qui ne font que ça, qui sont spécialisés sur la question des violences conjugales. Et quelque chose qui est très important et dont on est encore loin en France, c'est qu'ils sont compétents à la fois sur le pénal, pour condamner éventuellement un auteur pour les violences psychologiques, physiques et sexuelles, mais ils vont aussi avoir un droit de regard sur tout ce qui est civil, c'est-à-dire attribution de la garde des enfants, partage des biens, là où souvent les femmes, elles laissent un petit peu, on va dire, elles lâchent un peu sur ces questions-là parce qu'elles ne veulent plus avoir à se battre à la fois pour leurs droits économiques, pour le partage de la maison, etc. Et du coup, les tribunaux qui sont spécialisés sur les deux, ce qui est très intéressant, c'est qu'ils tiennent compte des violences au sein du couple aussi dans les droits de visite et la résidence, par exemple, des enfants. C'est-à-dire qu'il faut intégrer le fait que la puissance publique doit intervenir dans la sphère privée, parce que longtemps, et en France, ça a été ça, la sphère publique n'intervient pas dans la sphère privée, familiale, mais c'était une mauvaise direction. Oui, des violences, qu'elles soient commises dans la rue par un inconnu ou par la personne avec qui on a été en couple ou marié, ça reste des violences qui sont d'ailleurs normalement aggravées en France. Hein, c'est une circonstance aggravante, les violences quand elles ont été commises par un conjoint ou ex-conjoint. Malheureusement, ce qu'on observe dans les faits, c'est que il y a plus de chances qu'il y ait une condamnation si on est frappé ou victime de violences par une personne croisée dans la rue que par une personne avec qui on partage son toit. Or, c'est là que sont commises la majorité des violences. Bien sûr. Il y a un autre levier à actionner, probablement, c'est le levier police. Hein, parce qu'il y a encore trop de policiers qui ne prennent pas au sérieux les plaintes déposées par les femmes. Donc c'est une double peine, hein, pour les femmes. Là, c'est important, ce levier-là, en France, il faut le travailler. Ce moment du recueil de la prise de plainte, c'est un moment fondamental pour 3 raisons. Souvent, c'est quand une femme va porter plainte, ou en tout cas tenter de porter plainte, c'est parfois la première fois qu'elle en parle. Elle saisit les pouvoirs publics, la police qui est censée la protéger pour dire il faut faire quelque chose. Deuxièmement, ça va être la manière dont la plainte est prise va être déterminant pour la suite, c'est-à-dire la manière dont est rédigé le procès-verbal, ça va aussi beaucoup influencer la poursuite judiciaire. Et en plus, le moment où une femme vient porter plainte, c'est un moment crucial pour évaluer le risque de récidive et pour évaluer le risque de féminicide. Et du coup, c'est le moment où les policiers doivent pouvoir dire est-ce que cette femme a besoin d'une protection policière ? Est-ce qu'il y a besoin de réagir immédiatement pour pouvoir éviter qu'elle subisse à nouveau des violences, voire un féminicide ? C'est vraiment un moment très très important, justement pour faire baisser le nombre de féminicides. Margot Collet, on se retrouve dans 3 minutes. On écoute Emma Peters, Terrien. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. J'ai pas d'attache, pas de rêve, je fais tout à l'enfer. Chez moi c'est marche ou crève et je regarde jamais terre. J'ai pas demandé à venir au monde et toutes mes émotions se confondent. J'écris des textes un peu bidons calés sur le bip du micro-ondes. Et j'ai la dalle, ouais. J'prends tout ce qu'on me donne, un peu bestial, ouais. Je les collectionne, je m'en bats les couilles de ton avis. Pas là pour faire ami-ami, moi je veux mon carré VIP. La villa à Miami, j'ai peur de tout, de nous, mais de moi surtout. Et dans mon corps y'a tout qui brûle, du mal à sortir de ma bulle. Et même c'est en boucle dans ma tête, pour ça qu'on sort, qu'on fait la fête. Je suis dans un putain de servicieux, je suis comme s'il y avait pas d'enjeu. Mais je suis fatiguée, je me couche tard, je me lève tard. Ouais, je vis en décalé et je me sens bien nulle part. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. C'est quoi le but de mon existence? Est-ce que tu sais pourquoi je suis née? Je me fais pas confiance. Pourquoi à chaque fois que je vois le vide, j'ai envie de sauter? J'ai aimé des gens qui s'aimaient pas eux-mêmes. Si t'es pas bien dans ta peau, c'est pas mon problème. J'ai assez de galères à gérer, tous les jours fight avec moi-même. Avoir du succès ou t'aimer, toujours le même dilemme. Dans ma famille, ils sont tous devenus fous à force de sur les dessus. Dis-moi comment mariage enfant peut tout détruire comme un opus. J'espère que c'est pas héréditaire, malédiction et nique ta mère. Toutes les nuits je fais le même cauchemar, je me lève, je sais plus jouer de la guitare. Non, faut pas me laisser, faut pas me laisser seul. Je pourrais m'abîmer et j'ai encore des tas de choses à vivre avant le linceul. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire taire. Souvent je me demande comment tourne la terre. J'ai besoin d'espace, je sais pas comment faire. Il faut que je me casse, il faut que je prenne l'air. J'ai trop d'angoisse, je voudrais les faire. Collet, il faut parler d'argent aussi, ce qui n'a rien de vulgaire en l'occurrence. Les associations féministes, des institutions comme le Haut Conseil à l'égalité, auquel vous avez appartenu, ou le Conseil économique, social et environnemental, chiffrent à 1 milliard par an le budget nécessaire pour une politique volontaire contre les violences faites aux femmes. Il y a une vraie prise en compte budgétaire, notamment en Espagne, sur ce point, il faut aussi passer par là. Oui, l'argent, ça n'a rien de vulgaire, surtout quand on parle de politique publique, on en parle sur tous les sujets, je vois pas pourquoi on n'en parlerait pas sur les violences conjugales. Effectivement, les discours, la communication, c'est hyper important, mais pour sauver des vies, il faut aussi parler d'argent et de budget mis sur la table, pour payer des écoutantes, pour payer des téléphones grave danger, pour payer des formations pour les policiers et les policières. Et aujourd'hui, c'est une question relativement nouvelle, y compris au sein du mouvement féministe, de plutôt que de porter des revendication de les chiffrer. Donc effectivement à 1 milliard par an. Et là, le 1 milliard par an du Haut Conseil à l'égalité, c'est uniquement sur les parcours de sortie des femmes victimes de violences. Donc on ne parle même pas de politique sur le harcèlement sexuel au travail ou de prévention dans les écoles. C'est vraiment permettre un hébergement, assistance sociale et juridique pour des femmes qui aujourd'hui vivent des violences conjugales. La question des moyens financiers, elle a été aussi au cœur des mobilisations en Espagne et elle a obtenu d'une certaine manière, il y a eu gain de cause, 1 milliard d'euros votés en 2017, 1 milliard d'euros supplémentaires mis sur la table, en plus de tout ce qui avait été déjà budgété au niveau espagnol. Donc depuis 5 ans, 1 milliard en plus en Espagne sur la question des violences conjugales uniquement. Et toujours en Espagne, aussi, après l'affaire de la Meute, une mobilisation populaire. Il y a des manifestations de féministes. En France, elles sont rarement un cortège d'un million de personnes. Il faut encourager aussi ça, la mobilisation populaire, la rue, et dire voilà, il faut que ça cesse. Oui, c'est sûr qu'en Espagne, ces politiques qui ont été menées, cet argent qui a été mis sur la table, il est encore plus conséquent pour l'année prochaine. Si on compare, c'est intéressant de comparer par rapport à la population. En 2023, le budget qui est prévu en Espagne, c'est à peu près 5 euros par habitant par habitant. présente sur la question des violences conjugales. En France, ça fait un peu de peine, c'est 50 centimes par habitant et par habitante qui est budgété pour 2023. Donc c'est 10 fois plus. Et ça, comment on l'obtient? C'est évidemment la mobilisation populaire, ce qui fait une sorte de contre-pouvoir qui pousse les pouvoirs publics à agir. Et puis aussi des féministes, on va dire un peu intégrées dans les rouages politiques et qui sont élues et qui portent ces sujets au-delà de celles qui marchent dans la rue. Et alors, dans cette loi espagnole, il y a aussi la notion de consentement, ce qu'on appelle la loi « solo si et si, seul un oui est un oui ». C'est-à-dire que ce serait à l'agresseur de prouver que la femme était consentante et plus à la victime de devoir prouver qu'il y a eu menace. C'est une bonne piste aussi, ça. Oui, et puis cette loi, elle est directement la conséquence des mobilisations féministes suite au procès de la Meute. C'est un engagement du gouvernement. Quand il arrive au pouvoir, Pedro Sanchez, en juin 2018, on est 2 mois après le verdict de la Meute, il s'engage, il promet une refonte du code pénal sur la question du consentement. Et donc c'est entré en vigueur là il y a quelques mois, en octobre 2022, et c'est vraiment un changer de braquet, un changement de paradigme sur la question du consentement. C'est plus à la victime de prouver que même si elle ne s'est pas débattue, même si elle n'a pas crié, il n'empêche qu'elle ne consentait pas, qu'elle ne désirait pas ce qui s'est passé. On inverse la charge de la preuve, c'est à l'agresseur de démontrer que par ses actes, par ce qu'elle a dit, par tout ce qui s'est passé, la victime désirait le rapport sexuel qui s'est produit. Toute dernière chose, parce qu'on arrive à la fin de notre interview, Margot Collet, quelques conseils pratiques pour des femmes qui se retrouvent dans ces situations-là. Oui, on a beaucoup parlé de la responsabilité politique, mais je pense qu'on connaît toutes et tous une femme qui a pu vivre ou qui vit en ce moment des violences conjugales, physiques, sexuelles, ou les deux. Et c'est hyper important d'avoir aussi des outils pratiques pour répondre à ça. Il faut être... Parfois, on est un peu désarçonné parce que ça prend du temps. C'est important d'écouter la victime, de l'accompagner, de pas la lâcher et soi-même de pouvoir aussi demander conseil au 3919, le numéro national gratuit qui peut aussi aiguiller les témoins, amis, familles de victimes de violences conjugales. Donc, c'est votre affaire à tous. Je vous remercie. Margot Collet, au revoir. Merci, au revoir. C'était Affaires Sensibles aujourd'hui, La Meute, une émission que vous pouvez réécouter en podcast, bien sûr. À la technique aujourd'hui, il y avait Tristan Gratalon et Gilles Gaillard. Et puisque nous sommes vendredi, j'en profite pour remercier toute l'équipe qui a préparé les Affaires Sensibles de cette semaine. Rédaction et recherche documentaire, Jeanne Maillard, Sylvie Fagnard, Constance Villanova, Stéphanie Fromentin et Adrien Mora. Documentation sonore, Claire Tesser. Chargée de programme, Rebecca Delante. Lecture, Cécile Ribot-Cayol, Philippe Pierrard et Aurélien Labruyère. Coordination Franck Cognard, réalisation Hélène Bizio, Marion Lelay et Stéphane Gaume.